grand tirage aura lieu le 27 avril. Pneu Bazar, 70 3e avenue à Limoilou, 418-522-1130. Prenez rendez-vous en ligne sur pneubazar.com. Chez Pneu Bazar, on prend soin de vous. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, Bruno et Michel avec vous jusqu'à minuit. Oui, c'est comme la veille. On attend encore des nouvelles pour savoir à quel point qu'on va être embourbé dans la neige demain ou dans la pluie. Et ce soir, on a plein de bonnes choses pour vous, dont quelques nouveautés, évidemment. Et on va commencer avec un extrait d'un album en concert qui devrait être disponible demain lors du concert de Edensong au Centre d'art La Chapelle. Et c'est un concert qui a été enregistré lors de la dernière édition du festival Terra Incognita, donc en mai dernier. Édition limitée, et puis ben, ça va être disponible pendant la tournée qu'ils sont en train de... Ils ont commencé, je pense, avant hier aux États-Unis. Ce soir, je sais qu'ils sont dans le Vermont, et après ça, ben ils vont rouler toute la nuit pour arriver à Québec pour le spectacle de demain. Et je leur souhaite bonne chance. Les gars m'ont écrit pour me dire que peut-être qu'ils arriveraient un petit peu en retard... pas pour le spectacle, mais en retard pour le test de son, mais je pense que tout devrait bien se dérouler. C'est qu'on écoute un extrait de ce disque en concert qui a pour titre Years in the Garden of Years, live à Terra Incognita. Donc on écoute un extrait, un premier extrait, c'est Cold City. gone. Too many books to walk with my sore feet. Father, all my thoughts are wrong. Sometimes just have to question what you teach me to feel. Tears. Passage for the dead, and so we pray, guiding our way through the dark. for you. Thank you so much again. It always feels like home. Yeah. refuge inside. Deep in ourselves, we will find a way to the secret door that leads to the freedom of mind we have long waited for. C'est pas une nouveauté, mais ça fait 2 semaines que je l'ai dans la voiture et je me tente pas. C'est Eloy. C'est pas nouveau. Ça s'appelle Visionary. Et en tout cas, j'ai accroché. Je sais pas pourquoi, mais c'est de même, que voulez-vous. Et ça fait 2 semaines là, que ça tourne dans la voiture et ça arrête pas. Et tout juste avant, on avait Eden Song, un autre extrait de leur album Year in the Garden of Years, live à Terra Incognita. Un disque qui va être disponible demain au Centre d'art de la Chapelle lors du concert du groupe, mais pas disponible sur Internet, pas disponible nulle part, seulement pour la tournée qu'ils sont en train de, que le groupe est en train de mener présentement. Donc, c'est une édition très limitée. Que James m'a dit, je pense que c'était 150 exemplaires, pas plus. Donc, je pense que ça traînera pas, comme on dit. Et puis, ben, on avait avant Sub Signal, leur nouveau, La Muerta, et c'est la pièce La Muerta. Et puis, on avait amorcé le tout avec Eden Song de leur disque en concert, Bootleg officiel, live à Terra Incognita. C'était à peu près tout. Vous voyez, on a fait le tour. Je pense que c'est le temps d'aller aux publicités, mais au retour, vous allez entendre une petite nouveauté. En fait, un disque qui sort dans 1 mois. Le disque de la chanteuse de Is, Laura Mead. C'est une petite exclusivité. Donc, après la pause, Laura Mead de l'album Remedium. 89.1. C'est KRL. Les gens autour de moi comprennent pas comment j'ai pu arriver à chausser ça. À Québec. L'Harmonie de Charlebourg vous invite à son concert dessiné Carnet de voyage, présenté dans le cadre du 31e Festival de la BD francophone de Québec. Sous la direction musicale de François Dorion, une cinquantaine de musiciens et les dessinateurs Anthony Charbonneau-Grenier et Julien Dallaire-Charret réaliseront en direct une performance unique de dessin. Au programme, Celtic Classic, Les Voyages de Gulliver, Rogue One, Terra Mystica et plusieurs autres. Lors de ce concert, l'Harmonie de Charlebourg dévoilera les noms des lauréats de la 3e édition de son programme de bourse pour la relève musicale des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Rendez-vous le 21 avril à 20h à la salle Saint-Augustin du Centre Le Montmartre, 1669 Chemin Saint-Louis. Billets en vente sur harmoniedecharlebourg.ca/billetterie. Thank you. And swallow it all, I'll make it all okay. I'll be your sunflowers at Chernobyl. I'll take it away and make it safe. In them, I hear the lies they tell. I will not let them make amends. Now I'm watching as you pull on the strings. You're making me dance to all your schemes. I'm wondering about so many things, and nothing is ever as it seems. I must control myself. I cannot show them. Two lives in parallel. I will pursue them to the end. Now I'm watching as you pull on the strings. You're making me dance to all your schemes. I'm wondering so many things, and nothing is ever as it seems. Thank you. veggies. Can you feel your eater? Warning. Unleash your child to feed to go. And our legacies will erase our religion. Moi je veux du linge blanc, je veux du linge extra blanc. Je ne veux pas du linge qui boue, je veux qu'il soit blanc par-dessus tout. Génie, c'est blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, toujours blanc, blanc, blanc, blanc, blanc. Audiolite, amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Du 7 au 15 avril, le 9e art s'empare de la capitale à l'occasion du 31e Festival Québec BD. Spectacles, animations, rencontres et près de 30 expositions vous attendent aux quatre coins de la ville. Découvrez toute la programmation et les 125 auteurs présents au québecbd.com. Le 31e Festival Québec BD. Le 9e art pour tous les goûts. De retour. On va jeter un petit coup d'œil en arrière. La dernière pièce, c'était Window, Time of Awakening. C'était la pièce titre, troisième partie. Il y avait tout juste avant, ça nous vient de la Finlande, Melody. C'est vraiment bien. C'est sur leur second disque, le Toinon Toista. Melody, M-A-L-A-D-Y. Tout juste avant, on avait d'Angleterre le Circus 5, de l'album Circus 5. Et c'est Laura Mead qui avait donné le coup d'envoi de ce bloc musical. La chanteuse de Is qui nous arrive avec un premier disque solo, enregistré avec quelques membres de Is, évidemment. C'est une belle et grande famille, Is. Et d'ailleurs, le disque va être lancé le 18 mai. Et ça va être lancé lors de la première journée du festival Terra Incognita, le 18 mai, donc, au Centre d'art La Chapelle. Et Laura et John Galgano, le bassiste et claviériste, et Paul Bremner, un de mes guitaristes préférés, vont être sur place pour le lancement et ils vont même pas juste être sur place, ils vont nous présenter une petite prestation de 40, 45 ou 50 minutes. Ils sont en train de monter ça. Donc, le 18 mai, et puis ils vont rester des nôtres toute la fin de semaine, 18, 19 et 20 mai. Laura Mead, John Calgano et Paul Bremner vont rester avec nous. Et puis, je pense que les gens de Québec les apprécient et je sais qu'eux apprécient vraiment beaucoup de venir jouer ici. C'est vrai que ça va être un bel ajout, un beau plaisir de recevoir ces New-Yorkais très sympathiques. Ça va avoir lieu, évidemment, dans le cadre du Festival Terra Incognita, 18, 19, 20 mai, avec plein de bons noms, dont Wobbler, Moon Safari, Cellar Noise, Amadriad, Circus. Pour plus d'informations, bien, vous pouvez toujours aller voir sur notre site terraincognita.québec et où... appelez aussi peut-être au Centre d'art, vous pouvez appeler ou aller sur Billettech aussi. Il reste quelques billets. Et puis, je pense que c'est pas mal la fête progressive à chaque année. Les gens qui nous arrivent d'un peu partout, il y a des Américains qui viennent à chaque année faire leur pèlerinage à Québec. Et puis, ben, c'est très agréable comme atmosphère. Donc, on va continuer en musique sur ça avec... le plus récent disque Gaspacho, le groupe norvégien, le titre de cet album, Soyouz, c'est sûrement une référence au satellite russe soviétique. On y va avec Gaspacho. Le temps de vous rappeler que vous écoutez Terra Incognita, Bruno et Michel, et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Was buried with its head in the ground. Roots are reaching for the auburn sky. Thank you. Kites around the fields and dancing. Peace. It will come back in style. There's a million reasons, and you know. la pura bellezza del cuore, la poesia della carne. Thank you. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibels. J'ai commencé ma liste quand j'avais 7 ans, après sa première tentative. Une liste de tout ce qui est extraordinaire dans le monde. 1. La crème glacée. 2. Les ballons d'eau. 3. La couleur jaune. 4. Faire semblant que je sais parler en anglais. Ransom. Ibuprofen. And a Rankin Strike, an eyebrow of chandelier. Extraordinaire, présenté au Théâtre Premier Acte du 10 au 28 avril. Réservez vos billets au 418-694-9654. And a rind with a phantom brick to brick. Eh oui, mais sinon c'est pas moi qui chantais. Bon, ben, dernière demi-heure ensemble, mais on va jeter un petit coup d'œil avant de continuer. Ce qui a clos le bloc musical, c'était Sky Architect, un groupe originaire des Pays-Bas, un jeune homme très talentueux, de leur disque Nomade. Tout juste avant, on avait Maurizio Di Tolo, L'Uomo Trasparente. Monsieur Di Tolo, c'est peut-être pas aussi connu que ses confrères italiens, plusieurs confrères italiens. C'est quand même le batteur de La Maschera di Cera, qui a beaucoup travaillé avec Fabio Souventi. Et puis son premier disque paru en 2012 est un peu passé, comme on dit, dans le beurre, mais pourtant, il est vraiment bon. Maurizio Di Tolo, L'Uomo Trasparente. Et puis avant, on avait de Norvège, Soup, de leur plus récent Remedies. Et on avait donné le coup d'envoi avec Gazpacho, Soyuz, leur plus récent. Pour les fans de Gazpacho, je pense qu'il n'y aura pas de grosse surprise. Ils demeurent pas mal dans les mêmes eaux. Moi, j'avoue que je les avais peut-être un petit peu perdu de vue parce que je trouvais à un moment donné que ça se répétait un peu. Mon feeling n'a peut-être pas changé beaucoup, mais bon, je vais écouter Soyuz cette semaine, et puis je donne une chance. Ça, c'est personnel, évidemment. On y va donc du côté de l'Espagne cette fois-ci avec un groupe qui a pour nom Atavismo et de leur album Inerte. porca puttana vacca gli occhiali. Malgré ce qu'on peut penser, là, c'est sûr que ça sonne un peu Goblin, ou je pense que ça va, en tout cas pour plusieurs, ça a dû leur rappeler ça. C'est un groupe suédois qui a pour nom Anima Morte. C'est extrait d'un disque hommage à un cinéaste italien qui a pour nom Mario Bava. Et le disque en question a pour titre Cani Aria Arrabbiati. Et c'est la seule pièce de Anima Morte sur ce disque. Tout juste avant, ben, on parlait d'italien. Là, il y avait la Coscienza di Zeno avec leur disque en concert et le Giro del Capio. Et puis, on avait débuté avec Atavismo, un groupe espagnol, avec le titre Inerte. Ben, c'est déjà tout pour nous. On vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute. Stéphane est arrivé. Et puis, ben, moi, je vous invite à visiter notre site terraincognita.québec ou notre page Facebook, plein de nouvelles dans un cas comme dans l'autre. Et puis, ben, à la semaine prochaine. Et puis, ben, je vous rappelle, pour terminer, évidemment, que demain soir, on a la grande visite. Eden Song se produit au Centre d'art La Chapelle avec le groupe d'Ottawa de Nightwatch. À ne pas manquer, à la semaine prochaine. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. 89.1. Neu Bazar et CKRL vous offrent la possibilité de gagner un certificat cadeau de 400$ au meilleur centre de pneus à Limoilou. À compter du 16 avril, écoutez les matins éphémères entre 6h30 et 9h et un finaliste par jour sera sélectionné parmi les appels reçus. Le grand tirage aura lieu le 27 avril. Pneu Bazar, 70 3e avenue à Limoilou, 418-522-1130. Prenez rendez-vous en ligne sur pneubazar.com. Chez Pneu Bazar, on prend soin de vous. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Vous aimez les romans historiques? Lui préfère la science-fiction? Alors que vos amis ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Et que vos enfants dévorent des histoires d'amour tourmentées? Le Salon international du livre de Québec saura vous contenter. Avec plus de 1250 auteurs présents, la diversité est au rendez-vous cette année encore. Le Salon international du livre de Québec, sous la présidence d'honneur d'Éric-Emmanuel Schmitt, du 11 au 15 avril, au Centre des congrès de Québec. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à vous et à la collaboration de nos partenaires gouvernementaux suivants. Le ministre responsable de la capitale nationale, ministre de l'Éducation, des Loisirs et du Sport, député de Jean Talon, M. Sébastien Proux. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la Langue Française, député de Crémazie, Marie Montpetit. Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, député de Charlebourg, M. François Blais. La députée de Taschereau, Mme Agnès Maltais. Le député de Jean-Lesage, M. André Drouin.